Après avoir réalisé plusieurs focus de groupe dans notre émission Le Canap Metal, nous avons pensé que cette rubrique méritait une meilleure exposition. Nous lançons donc une série de vidéos intitulée Nos Essentiels Français, qui aura pour but de mettre en avant les groupes qui, selon nous, sont indispensables à connaître dans le métal. J'ai donc le plaisir de vous présenter un groupe que j'adore pour ce premier Essentiel Français, et ce groupe, c'est Alceste. Fondé en 2000 à Bagnols dans le Gard par le multi-instrumentiste Neige, le projet initialement black metal évolue rapidement vers un style plus personnel et novateur en incorporant du shoegaze dans du post-black metal. L'EP de deux titres pour 27 minutes intitulé Le Secret, sorti en 2005, marque officiellement la création d'un nouveau genre, le black gaze. On ne va pas se mentir, la production n'est pas au niveau des récents albums du groupe. Mais la sensibilité et la spiritualité est déjà bien présent, avec notamment des textes provenant du recueil de Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Neige continue son travail, signe sur le label allemand Prophecy Production pour sortir en 2007 son premier album, Souvenir de notre monde. La musique très atmosphérique et éthérée, couplée à une incroyable sensibilité dans le chant, font leur arrivée assumée sur cet album, où la production passe clairement un cap. Winterhalter intègre officiellement Alceste à la batterie en 2009, transformant le one-man band en un duo. C'est juste à temps pour participer à l'écriture du deuxième album, Écailles de Lune, sorti en 2010. Sur cet album, on ressent bien plus les origines black metal de Neige, avec une batterie qui cogne un peu plus fort et un retour au chant hurlé. Ils ont trouvé un magnifique équilibre entre la violence et la douceur, c'est vraiment un de mes albums préférés du groupe. En 2012, Les Voyages de l'âme sont le digne successeur d'Écailles de Lune pour le troisième album du groupe. La recette reste globalement inchangée pour cette nouvelle merveille dans la discographie du groupe. Le succès est au rendez-vous et Alceste sort même deux clips, Faiseur de monde et Autre temps. Un des points importants à souligner dans le chant de Neige, c'est que la majorité des paroles sont en français et ça fonctionne très bien. Il est impossible de parler de ce groupe sans s'arrêter sur les thématiques abordées, qui sont très spirituelles, avec notamment des sujets tels que la nostalgie, l'enfance, l'au-delà ou encore la nature. Je vous le disais, Alceste a trouvé sa recette, mais la créativité de son leader va pousser le groupe vers un nouvel horizon. En 2014, l'album Shelter. On oublie le black gaze et même le metal tout court, pour s'orienter vers un album bien plus shoegaze. Certains morceaux sont magnifiques, mais on reste à mon goût sur l'album le plus oubliable du groupe à date. Chose que je ne suis pas le seul à penser, car le succès en France n'est pas au rendez-vous. Il faut même noter qu'historiquement, Alceste a connu un succès bien plus important à travers l'Europe qu'en France. Mais l'histoire d'amour et la reconnaissance du public français va bondir à partir de l'album Kodama, paru en 2016, et bien aidé par des passages remarqués sur des festivals dans le pays, tels que le Motoculteur, le Download ou le Hellfest. Ce cinquième album trouve son inspiration dans la culture et l'art japonais, mais aussi un retour vers le black gaze, et ça, on apprécie beaucoup. La pochette de Kodama est une excellente occasion de souligner le travail extrêmement soigné et épuré des pochettes. Le groupe a collaboré avec différents artistes français au fil des albums. Et on arrive gentiment en 2019, avec la sortie de ce qui est pour moi le chef-d'œuvre du groupe, Spiritual Instinct. Les 6 titres sont sortis sur le monstrueux label allemand Nuclear Blast, avec une écriture plus courte dans le temps, ce qui amène un résultat plus brut et plus direct. Je ne suis absolument pas objectif, mais je trouve cet album parfait dans sa production. Son équilibre entre leur côté black le plus violent et la beauté atmosphérique, en plus des émotions qu'elle dégage, sont vraiment folles. J'ai eu l'occasion de voir Alceste en concert lors de la promotion de cet album. Le groupe avait proposé un magnifique concert, très carré, avec beaucoup de sensibilité et des lumières très travaillées. Neige n'est pas le plus à l'aise sous le feu des projecteurs, mais assure totalement. J'ai hâte de les revoir au mois d'octobre pour constater son évolution personnelle sur scène, mais aussi l'évolution globale de la scénographie. On en vient déjà à leur dernier album paru en date, à savoir Les Chants de l'Aurore en 2024. C'est un album plus éthéré et moins percutant, mais il fonctionne très bien, même s'il est moins fait pour moi. Cet album a également reçu un très bon accueil de la part du public et des médias spécialisés. On peut dire qu'il a permis au groupe de passer encore un cap. pas conclure sur Alceste sans parler de l'énorme influence qu'a pu avoir le groupe et qu'il continue à avoir sur le metal depuis 25 ans. Deux des groupes les plus en vue de la scène post-black metal actuelle citent le groupe comme une influence majeure, à savoir les Américains de Def Leppard et les Autrichiens d'Arakiri for the Sky, qui au passage avaient invité Neige à collaborer sur leur précédent album. Si vous aimez Alceste, foncez écouter sans hésiter, l'album Maher est une vraie tuerie. Plus proche de nous, le groupe français Vestige est aussi un digne héritier. Tout comme des groupes internationaux moins connus, comme Fen, des Anglais, ou les Allemands de Landfloss. Vous l'aurez compris, l'influence du groupe est majeure dans le post-metal, et si vous connaissez d'autres groupes français ou internationaux très inspirés par Alceste, n'hésitez pas à nous les partager. J'espère que ce premier focus vous aura plu, et on revient très vite vous présenter un nouveau groupe français à connaître absolument selon nous.